Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, un passé de paillettes. Cinéma, chansons et musical, les Arabes font la fête. C'était la grande époque du cinéma, de la musique, de la chanson, de la danse. Tout se faisait au Caire. Le développement du cinéma dans les pays arabes ne pouvait qu'être prolifique et très lucratif. Nous sommes en compagnie d'Éric-Antoine Lebon que nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel entretien autour du cinéma, du film arabe, mais plus précisément du cinéma égyptien. Éric-Antoine Lebon s'y est intéressé par amour du cinéma, par grande cinéphilie, ce qui lui a permis de nous faire découvrir ce qu'il va faire aujourd'hui, un grand nombre de figures ayant participé à l'histoire de la comédie musicale en Égypte. Ces vedettes venant parfois du Liban ou de Syrie. On va faire le tour un peu comme ça de quelques figures qui sont à la fois en effet des femmes qui ont pu faire l'actrice dans des films, mais qui ne se sont pas contentées de ça. J'en veux pour preuve, Éric-Antoine Lebon, cette chanteuse syrienne mythique, quoique n'ayant réalisé ou n'ayant participé plutôt qu'à deux films. Je veux parler d'Asma Haney, je ne sais pas si je prononce bien son nom, dont vous donnez en tête de la petite fiche que vous avez réalisée sur elle, les deux qualificatifs, princesse et espionne. Éric-Antoine Lebon, vous nous faites faire connaissance de cette chanteuse syrienne? Oui, bonjour à nouveau donc aux auditeurs. Alors Asma Haney a été une chanteuse d'une beauté fabuleuse. Donc elle était d'origine syrienne. Elle a connu une destinée incroyable et elle est décédée très jeune. Et même si elle n'a tourné que deux films et a enregistré assez peu de disques, ces disques continuent de se vendre actuellement parce qu'elle avait une voix absolument fabuleuse et elle a vraiment marqué le Moyen-Orient par sa voix sublime et sa personnalité extraordinaire. Oui, mais princesse et espionne, quand même, il faut nous éclairer. Oui. Alors princesse, parce que donc c'était la fille d'un prince druze, donc qui s'était beaucoup opposé aux forces françaises en Syrie, et donc elle était la sœur de Farid El Atrache, qui lui aussi, on va en parler après, a mené une carrière extraordinaire. C'était une des plus grandes célébrités du monde artistique arabe. Et donc, Asma Haney a été issue d'une famille royale et pourtant qui va vraiment, à cause justement des oppositions politiques, va être obligée d'émigrer, donc de partir donc en Égypte, où là vraiment la famille va être obligée de travailler en fait pour subvenir, et avec donc où tous les enfants vont se mettre à chanter ou faire de la musique pour gagner quelques sous. Et donc Asma Haney va ainsi elle va être obligée de se marier puis après donc un mariage arrangé donc qui va mal se terminer. Et donc par la suite, au début des années 40, donc sa renommée est telle en tant que chanteuse, donc elle va tourner donc un film, Victoire de la jeunesse, avec son frère Farid El Atrache, un film d'Ahmed Badrakhan, et qui est une sorte d'adaptation du Barbier de Séville, où elle fait preuve d'un charisme étonnant, parce que donc c'était une femme d'une très très grande beauté, qui avait des yeux verts obliques et qui avait la classe d'une Greta Garbo. Et en plus on voit aussi tout l'intérêt du cinéma égyptien, donc qui s'inspirait quand même beaucoup du cinéma hollywoodien. Il y avait vraiment des photographes d'un très grand talent qui savait vraiment mettre en valeur cette divine beauté lors des gros plans où elle fume, et on voit son visage pensif, noyé dans la fumée. C'est extraordinaire. Et en plus, les deux films qu'elle a tournés démontrent qu'elle chantait merveilleusement bien. Et c'est une des raisons pour lesquelles son succès a duré bien après son décès. Alors, espionne. Eh bien, c'est parce que donc pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, Haßmann a été assez active parce que donc elle était quand même un personnage en vue, et un diplomate britannique s'était rapproché d'elle pour qu'elle intervienne en fait auprès du général de Gaulle. Donc qui se trouvait à cette époque-là au Moyen-Orient, pour libérer les pays comme la Syrie, la Jordanie et le Liban des représentants français du régime de Vichy. Et donc elle a ainsi lié des contacts aussi bien avec la France libre qu'avec les autorités britanniques. Et donc elle a certainement mené des activités d'espionnage auprès de la Gestapo, auprès des nazis. Et donc voilà, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais malheureusement, alors qu'elle n'avait même pas terminé de tourner son deuxième film, Amour et Vengeance, en 1944, elle est morte très curieusement, en fait, avec une amie. Donc la voiture qu'elle occupait a été balancée dans le Nil, tandis que le chauffeur a réussi à se prendre la fuite et on ne l'a jamais retrouvée. Donc quelques jours avant, elle avait subi quelques alors qu'elle se trouvait sur un balcon, quelques tirs de mitraillette, enfin, donc elle avait réussi à en réchapper. Et voilà, donc il est donc très probable que ces activités pendant la Seconde Guerre mondiale donc sont probablement la cause de son décès, même si évidemment, comme tout personnage légendaire et mythique, on a imaginé beaucoup beaucoup de choses autour de cette triste disparition. Farid et la Trache, alors il est temps d'en parler. Qui est-il et que représente-t-il dans le paysage du cinéma égyptien? Alors Farid Alatrash, donc le frère d'Asmahan, c'était un très grand joueur de oud, c'est une sorte de luth, et également un compositeur et un chanteur émérite. Alors il avait un très grand talent, une grande souplesse vocale qui lui permettait vraiment de mettre en valeur les chants très plaintifs qu'il interprétait dans ses films. Alors il a commencé avec sa sœur dans Victoire de la jeunesse, puis après, dans les années 40, 50 et 60, il va continuer une carrière très active au cinéma, où il va à chaque fois donc chanter ses fameuses lamentations et jouer aux côtés de très belles danseuses comme Samia Gamal, qui sera une de ses compagnes. Alors c'est un nom qui est demeuré mythique parce que sa popularité était vraiment étendu à tous les pays de langue arabe, où il était vraiment considéré comme un demi-dieu. C'était un peu le Tino Rossi oriental. Aussi, en France, des personnes d'origine maghrébine ou arabe adoraient voir ces films dans certaines salles comme le Berry ou le Luxor, donc à Paris, ou certaines salles marseillaises qui projetaient ces films. Et les exploitants des salles en question témoignaient qu'en fait, on leur demandait surtout Farid. on veut voir Farid. C'était vraiment l'acteur le plus demandé. Alors, il a donc une longue carrière. Il a joué des films jusqu'à sa mort, puisque même il était vraiment en assez mauvais état de santé, il souffrait de problèmes cardiaques, dont dans son dernier film. Mais donc c'était quelqu'un de très passionné, qui a eu beaucoup d'amour dans sa vie, notamment l'épouse du roi Farouk, Samia Gamal, Leila El-Jezeria, Shadia, Maya Casablanca, qui était une chanteuse, vous vous souvenez peut-être de l'époque de Dalida, qui chantait en français « Garde la dernière danse pour moi ». Donc elle a été une des amies de Farid El-Atrache. Et c'était aussi un joueur invétéré, donc il s'est littéralement ruiné en jouant tous ses gains, les gains de ses films au casino. Ces vedettes, ces acteurs et actrices, Éric-Antoine Lebon, ont-ils eu une carrière avant que le cinéma ne les amène à une telle célébrité, une telle notoriété? Étaient-ce déjà des acteurs, que sais-je, ou des actrices de musical ou du théâtre? Ou bien ce sont des acteurs et des actrices, une fois encore, que le cinéma a pleinement révélé? En fait, la plupart des artistes du cinéma musical égyptien étaient déjà des vedettes à la radio ou au music hall. Il y avait donc dans les années 20, dans les cabarets du Caire, une dénommée Badia Massabni, qui était une tenancière de cabaret, qui a fondé successivement plusieurs music halls, et elle était connue pour les spectacles de très grande qualité qu'elle présentait pour la haute société, pour les généraux britanniques. Et donc, il y a beaucoup de chanteurs comme Mohamed Abdel Wahab ou Farid El-Atrache ont fait leurs premières armes dans ces cabarets. Et la radio diffusait beaucoup de chansons, et notamment la divine Oum Kalsoum, la chanteuse préférée de tous les pays arabes. Se produisait régulièrement tous les jeudis à la radio. Alors après, ces artistes sont venus au cinéma, ça n'a plus qu'aider justement à encore accroître leur notoriété, même si certains n'étaient pas forcément d'ailleurs des bêtes de l'écran, hein, ils n'avaient pas forcément toujours un très grand talent pour la comédie, mais ça n'a fait qu'accroître leur notoriété. Après, par contre, en effet, il y a certaines actrices ou acteurs après dans les années 50 qui sont devenus plus ou moins quand même célèbres grâce au cinéma, parce que donc ils ont un peu chanté avant, auparavant, mais c'est surtout en effet le cinéma qui a fait d'eux des vedettes. Éric-Antoine Lebon, grâce à votre blog, j'ai découvert tout un paysage avec actrices et acteurs, chanteuses et chanteurs, danseuses et danseurs que je ne connaissais pas du tout. Ma connaissance se résumait très très grossièrement à l'existence phénoménale et mythique de Oum Kalsoum. Dans le domaine des voix, j'en ai notamment découvert une, Nour El Hoda, la voix d'or du Liban, une voix que j'ai trouvé véritablement fascinante. Je vous propose qu'on l'entende un petit peu avant que vous nous parliez d'elle. Bien d'entendre Nour El Hoda, cette voix d'or du Liban, grande chanteuse libanaise. Que peut-on dire d'elle, Éric-Antoine Lebon? Alors, Nour El Hoda a ça veut dire la lumière de la voix en arabe. Et donc elle avait, c'est une chanteuse libanaise qui a été découverte par Youssef Ouahbi, qui est un très grand comédien, un comédien qui a été souhaité dans, à l'époque du muet, jouer le rôle de Mahomet. Mais alors c'était pas du tout passé, hein. On l'avait menacé de quitter le pays et puis de lui retirer la nationalité s'il mettait son projet à exécution. Et Youssef Ouahbi, alors qu'il faisait une tournée à Alep, a découvert Nour El Houda et lui a proposé un contrat de 5 ans tellement il avait été subjugué par sa voix. Et il paraît que donc son nom d'artiste, la lumière de la voix, avait été choisi en fait en lui faisant tirer des différents noms dans un chapeau, dans des petits papiers. Ce qui est amusant, c'est qu'un des petits papiers comprenait aussi le nom de Saba. Et Saba, en fait, ça va être l'autre grande vedette libanaise de la chanson qui sera découverte très peu de temps après. Et donc, Nour El Houda donc, a tourné pas mal de films hein, à la fin des années 40 et au début des années 50, notamment avec Farid El Atrache. Elle avait en effet, je trouve, une voix superbe et beaucoup de talent. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que donc, sa carrière a été vraiment arrêtée net juste un peu après l'ère du roi Farouk en 1953. Il y a eu une loi qui a été édictée où il n'était pas possible à la fois de faire pour des artistes étrangers, de faire à la fois des shows à la télévision ou alors sur scène et en même temps du cinéma. Et donc, Nour El Houda est repartie au Liban. On le savait pour des stars telles Brigitte Bardot ou encore Liz Taylor, qu'elles étaient à leur manière de véritables croqueuses de mari, mais cette histoire-là touche aussi les stars du cinéma égyptien. Quoique née au Liban, Jeannette Figali, autrement dit Saba, dont vous nous avez un peu parlé, Éric-Antoine Lebon fait partie effectivement de ces stars, de ces comédiennes qui, en plus d'illuminer l'écran, illumine la vie et fait parfois exploser la vie matrimoniale de ses partenaires. Oui, c'est vrai, parce que Saba avait été surnommée l'Elizabeth Taylor du Moyen-Orient. Ah, bah oui. Alors, elle s'est mariée, je sais même plus combien de fois. Elle s'est même mariée à un moment avec un Mister Liban, qui était beaucoup, beaucoup plus jeune qu'elle, ce qui a beaucoup choqué. Elle s'est mariée beaucoup de fois. Elle a tourné beaucoup de films, presque 100. Elle a enregistré 50 albums. Elle a fait 3000 chansons. Et elle s'est produite à l'Olympia, à Paris, au Carnegie Hall. C'est vraiment une femme qui a une carrière extraordinaire qui a duré des décennies. Et donc, on lui avait donné ce nom de Saba, qui veut dire matin, parce que donc elle avait un visage rayonnant comme un matin de printemps. Donc une chanteuse vraiment talentueuse, alors qui chaque fois s'efforçait d'intégrer toujours une chanson, au moins une chanson de son Liban natal dans ses films, notamment les Dabka, c'est des danses un peu guerrières où les gens frappent des mains et tapent du pied, et son style particulier qui s'appelait le Mawal, c'est une façon enfin, de chanter, de se lamenter un peu avec des airs très très sentimentaux. Le nom le plus internationalement connu est indéniablement Oum Kalsoum quand il s'agit d'évoquer les chanteuses arabes. Comment expliquer, Éric-Antoine Lebon, la prédominance d'Oum Kalsoum au regard des autres? Car internationalement, une fois encore, s'il y a un nom qui persiste, c'est bien le sien. Eh bien, je crois qu'en fait, Oum Kalsoum était peut-être la plus authentique et certainement, c'était un vrai phénomène vocal, puisque donc il y a même des études avaient même été faites sur sa voix qui montraient qu'en fait, elle était capable de faire 14 000 vibrations par seconde. Elle avait vraiment une façon d'envoûter en fait ses auditeurs avec les inflexions de sa voix. Et donc, qui tournait un peu comme qui revenait, parce qu'elle était capable, elle chantait des chansons très longues, hein, c'est vrai qu'on peut signaler au passage que souvent dans les chansons des films durent bien 8 à 10 minutes, mais dans ses concerts, Oum Kalsoum pouvait faire des chansons qui duraient 30 ou 45 minutes, et comme ça, avec une sorte d'ellipse qui revenait pour véritablement envoûter l'auditeur. Elle avait donc un talent vocal incroyable, et on a dit qu'Asmahan était la seule vocalement qui aurait pu éventuellement l'éclipser, mais c'est vrai qu'avec ce talent puis cette force, c'était une femme très très opiniâtre, qui croyait, qui était fière et qui croyait en son talent, qui était aussi qui partageait également aussi des idées nationalistes très fortes, et c'est donc c'était une battante qui était capable aussi dont le chant résonnait en fait à l'oreille de tout le monde, aussi bien d'un pauvre ouvrier que d'un roi. Elle avait vraiment le chic pour emballer tout le monde par sa voix. Alors évidemment, du coup, elle a fait du cinéma, sa notoriété était très grande. La plupart de ses films ont remporté à l'époque d'énormes succès. Alors pourtant, donc, qu'il s'agissait de mélos chantés où elle jouait souvent le rôle d'esclave, elle jouait pas très bien, elle le reconnaît elle-même. Et c'est la raison pour laquelle, après son dernier film, Fatma, en 1947, qui a été aussi un immense succès commercial, eh bien, elle s'est arrêtée parce qu'elle souffrait d'un glaucome et elle supportait plus du tout la lumière violente des projecteurs. Mais donc, elle a continué une carrière incroyable dans tout le monde arabe. Et donc, ses obsèques ont vraiment déchaîné l'hystérie. برضاك يا خالي لا رغبتي ورضاي. Concernant la longueur, la dilatation de ces pièces exécutées en public, s'agit-il de pièces qui sont improvisées en scène à partir d'un canevas précis que les musiciens et la chanteuse ont établi, qu'en est-il ? Oh bien, donc elle a improvisé en effet, mais en fonction, oui, de comment dire, d'un canevas qui avait quand même été élaboré auparavant. Mais elle avait vraiment du coup ce pouvoir de toujours quand même de se tenir dans l'air du temps, parce qu'elle avait même introduit même des guitares électriques dans certaines de ses musiques. C'était une femme de tête et d'une grande intelligence en outre de son talent vocal, et c'est certainement les raisons pour lesquelles elle demeure toujours une artiste très renommée qui continue de vendre une quantité de disques aussi bien au Moyen-Orient qu'en France. Hein. J'avais vu les données, elle vend toujours annuellement un nombre très important de disques. Je Si du côté des artistes, acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses, bon nombre de carrières avaient déjà été entamées avant que le cinéma n'existât sur place, en Égypte principalement, qu'en a-t-il été, pour ce que l'on en sait, Éric-Antoine Lebon, de la formation des techniciens ? Vous nous disiez que les chefs opérateurs, notamment certains, parvenaient à mettre à l'image la beauté de leur modèle avec une technicité exemplaire. Que sait-on de leur formation ? Eh bien, donc, lors de la création juste des studios Missir, dont nous avons parlé dans la précédente émission, donc, les dirigeants avaient vraiment l'idée de faire acquérir à chaque technicien et metteur en scène une connaissance précise du cinéma, et bien tout simplement en les envoyant en Europe. Alors des réalisateurs comme Niazi Mustapha ou Ahmed Badrakhan ou Henri Barakat sont venus en France ou dans les studios français, berlinois ou italiens pour faire leur classe, en fait, pour apprendre le cinéma pendant un an et demi. Et c'est là qu'ils ont en fait saisi un peu toutes les techniques du cinéma. Même le chanteur Mohamed Abdel Wahab était venu avant de tourner dans le film La Rose Blanche. Pour voir en fait comment se passait un film musical en France, donc en s'inspirant du coup des films de Tino Rossi ou des chanteurs qui jouaient beaucoup à l'époque. Et c'est ainsi en fait qu'ils ont pu acquérir une technicité très précise pour mettre en valeur leur film et les acteurs qui y figuraient. Cela peut nous conduire à penser qu'il y a donc eu porosité entre l'Occident et les pays arabes, notamment sur le plan non seulement technique, mais également esthétique. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion justement de visionner ces films, ce qui est amusant, c'est qu'outre donc les chansons, les numéros pendant les danses orientales, il y a toujours en fond musical, toujours des chansons tirées de films américains de l'époque, comme La Loi du Seigneur ou Écrit sur le vent ou Tamis, qui viennent. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si. Négligemment. Si les copyrights étaient bien respectés. Mais c'est amusant de voir cette ambiance très finalement où carrément on piquait entièrement, mais y compris dans les films les plus célèbres, hein, réalisés par Youssef Chahine, on prenait carrément donc les musique des grands succès mélodramatiques du cinéma hollywoodien pour illustrer. Et donc aussi bien au niveau de l'image, et bien puisque nous parlons de comédie musicale, on sent également la grande influence des films de Busby Berkeley qui, dans les années 30 aux États-Unis, là à la Warner Bros, réalisait des films avec des bataillons de girls qui formaient comme filmés par au-dessus, formés des sortes d'étoiles, et on retrouve vraiment des numéros qui s'inspirent vraiment de ces chorégraphies et de cette esthétique, c'est criant. On peut imaginer, Éric-Antoine Lebon, que bon nombre de ceux et celles qui vous auront écouté auront la curiosité, le désir d'en savoir un peu plus. Vous allez donc, s'il vous plaît, être le guide en nous indiquant vers quel blog doit-on se diriger pour aller puiser dans toutes ces sources. Alors donc il y a au niveau des blogs, j'ai rédigé pour ma part, comme vous le signalez, un blog qui s'appelle Movie Musical World et Movie Musical Kings, où j'évoque les rois de la comédie musicale et les reines également, mais du monde entier. Alors évidemment, vous pourrez trouver des portraits des stars du cinéma égyptien, mais également de tous les pays, du cinéma indien, parce que Bollywood a quand même quelques similitudes avec le cinéma égyptien. Les films égyptiens étaient autrefois donc distribués en France par les films du régent, et donc cette société n'envisage pas de diffuser en forme de DVD, c'est bien dommage, ces classiques du cinéma égyptien. Néanmoins, les gens qui auront la possibilité et la chance d'aller sur Paris quand tout ira mieux, auront peut-être l'envie ici d'aller voir l'exposition que va consacrer l'Institut du Monde Arabe aux divas arabes, où on va évoquer Oum Kalsoum, Saba, Leila Mourad et toutes ces actrices dont nous avons parlé ensemble, et également la chanteuse Dalida, et des projections de ces classiques du cinéma musical auront lieu dans ce cadre. Éric-Antoine Lebon, merci d'être venu nous parler de cela au micro d'Histoire Vivante. Bien, je vous remercie beaucoup et j'espère que vous aurez l'envie et puis l'occasion de pouvoir admirer ces beaux films et qu'ils vous apporteront autant de bonheur que moi.